Cela m'a fait du bien à mon identité de voyager serein au cœur de mes pensées et des désirs inavoués en étant accompagné. Cela m'a fait du bien à mon identité. Obsession, pulsion, pression, action, elles emprisonnent. Agression, addiction, passion, tension, elles nous consomment. Dans ces jeux tellement futiles, tu me questionnes. Sagesse salvatrice, tu m'approvisionnes. Cela m'a fait du bien à mon identité de voyager serein au cœur de mes pensées et des désirs inavoués en étant accompagné. Cela m'a fait du bien à mon identité. Chercher, œuvrer, essayer et trouver, il est possible d'atteindre. Parler sans toucher, mais toucher sans parler, est-ce possible à craindre? Dans ces jeux tellement futiles, tu me questionnes. Sagesse salvatrice, tu m'approvises.